كم سنك سني بسم الله 19 3 نعم جولة صغيرة بسم الله فرقنا أربعة شو أربعة في صفحة قرأت أربعة عشرة صفحة من هذا الكتاب نعم أربعة عشرة صفحة من هذا الكتاب والسيفون في هذه الحافلة في تو هذه أبخي ألف ولا ماجد c'est la même chose. Imagine toi t'enlèves hadihi, tu fais un, vers où tu fais là. Tu dis fil hafilati, fi hadihi. C'est la même chose dans, dans les deux. Fi hadihi al hafilat. Fal hafilat. Là t'as fait un pluriel. Hafilat. Hafilat. T'as compris? Wal hafilat, c'est le pluriel féminin. Barakallahu fik. Samani. Samani. Regarde là, la chose que. Toi avant de parler à Kamel, tu regardes qu'est-ce que tu vas compter. Et ça va t'aider après. Est-ce que c'est du masculin ou du féminin ce que tu comptes ? Du masculin. Voilà, tu vois ? Là, ça m'a nié à ça, tu diras. Ashra. Là, c'est quoi ? Regarde, là, tout ce qu'on vient de finir, c'est quoi, Barakallahu Fik ? La chose comptée, c'est quoi ? Du féminin. Non, c'est la chose qu'on vient de finir, l'exercice. Là. C'est du féminin. Et on a dit que l'unité, sera quoi ? Masculin. T'as compris ? Non. Voilà. Et toi, t'es en train de compter du masculin. C'est-à-dire l'unité, elle sera féminin. Samani. Non. Samani ashara. Samani ashara. Ashara. Ashara. Rakiban. Rakiban. Wa khalfa. Wa khalfahum. Khamsa ashara. Rakibatun. Rakibatan. Rakibatan. Ça, y'a pas de problème. T'as compris ? Non. Toi, tu regardes la chose que tu comptes, Kamel. Si c'est du féminin, l'unité, c'est l'inverse. Ah, bah ouais. Et après, la dizaine, ça correspond à la chose que tu comptes. Mais faut, madame ? Non. Ok, Allah, fils. On s'y va ? Hada Fundukun Sarirun. Hada Fundukun Sarirun, très bien. Itnata Ashrata Ghulfatan Fakat. Très bien. Itnata Ashrata. Gorfatan Fakat. La phrase, toutes les phrases, il y a quelque chose qui ne va pas, vous me dites, hein? On traduit Inch'Allah. Ifnata Asharata. Non, Ifnata Asharata, c'est 12. On a dit quoi? Ça correspond à tout. Comment? Voilà, c'est bon. Le suivant. Othmanu, lahu, ahada ashara, ibnan. Ibnan, non. Ibnan. Wa ithnata asharata bintan. Très bien, merci beaucoup. Et أنا حفظت 13 سورة. Au suivant. هذا المستشفى 19 آه سيدي ما شاء الله. طبيبا. واه سيدي. C'est bien, regarde, à partir du moment où tu as trouvé la, l'unité, le reste, c'est la, ça correspond à la chose comptée. Tabibatin. Le plus dur, c'est de trouver quoi ? L'unité. Parce qu'après, tu fais quoi ? Tu quoi ? Ça va correspondre à la chose comptée. Mais bon, Inch'Allah ? Vas-y, répète, c'est bien. Si y a un moustachva, ouais, comme ça, ça te permet. Très bien. قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. هذا القلم بأربعة عشرة ربيعا. ربيع. نعم. في هذه العمارة. ست عشرة شقة. C'est-à-dire appartement. Oui, suivant. في هذا الفصل 20 طالبة. نعم. اكتب الأعداد. طيب،